France Culture avec philosophie Géraldine Mulman. Pour cette première semaine de l'année 2024, voici une série « Un jour, un philosophe, une question ». Aujourd'hui, rediffusion de l'émission du 12 septembre 2023, Épicure, comment déminer nos angoisses et notamment la peur de la mort et la peur de la douleur. Pour les épicuriens, la pensée est constituée, comme le reste du monde, d'atomes qui bougent. Mais nous pouvons un peu orienter notre pensée, lui donner son mouvement. Nous ne la subissons pas, et heureusement, car la pensée humaine a une fâcheuse tendance, disent-ils, à produire des idées qui ne rencontrent aucune réalité. C'est ce qui se passe avec trois de nos grandes peurs. La peur de la mort, la peur des dieux, la peur de la douleur. Travailler sur ces trois sujets, si souvent objets de craintes vides, comme ils disent, fait partie du traitement à quatre éléments, en grec tétrapharmakos, que le sage épicurien préconise pour que les humains aient une vie meilleure. Le quatrième élément du traitement, c'est une pensée correcte du bonheur. De cela, nous parlerons demain. Pour évoquer aujourd'hui nos craintes vides qui concernent la mort, les dieux et la douleur, j'accueille une helléniste spécialiste de l'épicurisme et un très bon connaisseur de la philosophie antique. Les références de leurs travaux sont sur notre site. Bonjour René Coq-Piètre. Bonjour. Vous êtes directrice d'études émérite à l'école pratique des hautes études en sciences sociales. Et bonjour Alain Petit. Bonjour. Vous enseignez la philosophie à la Faculté des Lettres de Clermont-Ferrand, université où vous appartenez au Centre de Recherche Philosophie et Rationalité. J'ai vu tant de choses que vous, humains, ne pourriez pas croire. De grands navires en feu surgissant de l'épaule d'Orient. J'ai vu des rayons fabuleux. Des rayons C brillaient dans l'ombre de la porte de Tannhauser. Tous ces moments se perdront dans l'oubli. Comme les larmes dans la pluie. Il est temps de mourir. France Culture avec philosophie. Géraldine Mulman. C'était Blade Runner, le film de Ridley Scott de 1982 avec une musique de Vangelis. Et on y entend un personnage dans cet extrait, Roy Batty, qui se livre un monologue assez poignant au seuil de la mort. Il dit « Il est temps de mourir ». On a l'impression qu'au fond, l'état de mort ne lui fait pas trop peur. Il semble résigné, prêt. En revanche, son chagrin, on le sent, c'est que la vie se termine. Tous ces moments se perdront dans l'oubli. C'est la fin plus que l'état de mort, la fin de la vie qui l'inquiète. René Coq-Piètre, les épicuriens me semblent dire le contraire. Ce qu'ils pensent être le noyau de la peur de la mort, c'est notre crainte de l'état de mort. Ils pensent que si on soigne ça, tout le reste ira mieux. Expliquez-moi, s'il vous plaît. Ah oui, effectivement, les épicuriens ne se posent pas la question du regret. Oui. Du regret de tout ce que l'on peut perdre lorsqu'on meurt et de tout ce qu'on laisse derrière soi, etc. C'est parce que, pour eux, de toute façon, l'événement ne compte pas. Tout ce qui s'est passé, ça s'est passé une fois. Et ça disparaît. Ce qui reste, en quelque sorte, c'est uniquement un souvenir de quelque chose. Mais ce qui est passé est passé. Il n'y a que du présent pour les équipes. Un peu comme s'il n'y avait que du présent, mais un présent ou plus exactement, le reste sont des événements, c'est-à-dire des compositions des atomes hein, qui produisent tel ou tel effet à un moment ou à un autre. Dans notre corps et dans notre dans âme, corps, puisque tout est matériel, oui. Et donc ce sont des événements, et ces événements sont fortuits, apparaissent, disparaissent, ne laissent d'une certaine façon rien derrière eux, sauf si on a pu, en soi, recueillir quelque chose de, en quelque sorte, définitif. Le savoir sur la nature, oui. L'amitié. Ah, c'est ça qui reste. Oui. Et ça, on n'a pas de regret au seuil de la mort, mettons qu'on soit un bon épicurien, qu'on n'ait pas du tout peur de l'état de mort. On n'a pas de regret que tout cela se termine. La bonne chose de la vie, les bonnes choses de la vie. On peut pleurer la mort d'un ami, et même on est invité à le faire d'une certaine façon. Oui. Les épicuriens ne cherchent pas à dominer leurs sentiments. Vous perdez un ami, c'est normal que dans un premier temps vous soyez vous en soyez à souffrir de ce que effectivement il ne soit plus à côté de vous, mais pour autant, ça ne transforme pas votre idée que, de toute façon, cela devait se faire, que, de toute façon, cet ami, en tant qu'ami, il vous restera dans votre souvenir, oui. Comme celui qui a contribué à faire de vous ce que vous êtes, c'est-à-dire quelqu'un qui vit dans la sécurité. Dans la sécurité, ça peut être sentimentale, certes, mais aussi affective, mais aussi matériel, oui. Hein, les amis s'entraident. Alain Petit, pour les épicuriens, l'essentiel est de ne pas avoir peur de l'état de mort. La question des regrets, du fait que la vie s'arrête, que l'idée que c'est la fin de vie qui est le plus douloureux pour le mourant, là je parle du mourant, pas de celui qui est en deuil après la mort d'un ami. Ça, ce sont des questions de modernes, et finalement les anciens épicuriens ne se posaient pas ce genre de problème. Si. On le voit chez Lucrèce en particulier. Oui. J'ai l'impression que, comment dire, c'est une consolation très paradoxale que proposent les épicuriens. Je dois dire d'ailleurs que leur argument ne me paraît pas extrêmement convaincant. Vous diriez que, comme on l'a dit à plusieurs reprises, oui. Tantôt on touche un point faible. Oui, oui. C'est peut-être enfin, un point faible, délicat. Là. Oui, de leur doctrine. On pourrait par exemple se dire que le mourant ne redoute pas, à proprement parler, l'état de mort, puisque l'état de mort est irreprésentable, comme oui. Ils y insistent longuement. Mais il peut redouter le fait que des biens lui échappent, que quelque chose du bonheur lui échappe. C'est peut-être ça, oui. Semble-t-il, le point le plus paradoxal. Alors, il y a une parade. Oui. Que d'ailleurs Épicure pratique comme les stoïciens, hein, qui seront ses grands rivaux. Le bonheur n'est pas rendu plus grand par la durée qui pourrait être la sienne. En un certain sens, le bonheur s'accepte de la durée. C'est le présent, comme on vient de le dire. Mais le présent du mourant oui. Est un présent étrange. Assurément. Oui, parce que il ne vit pas nécessairement sur le mode du regret, mais il peut vivre sur le mode de la disparition de soi. Et Lucrèce, me semble-t-il, est très sensible à cela, parce qu'il doit multiplier les arguments pour évacuer justement peut-être cette plus grande crainte qui est que présentement j'ai le sentiment que je vais perdre le sentiment de moi-même. Donc il y a quand même, au seuil de la mort, une angoisse que les épicuriens savent impossible à calmer. Oui. Quand même. Je m'interroge sur la force du remède en la matière, s'agissant de la mort, parce que finalement c'est la connaissance claire qui est présumée pouvoir apporter oui. La dissipation de la crainte de la mort. Vous touchez là un point, on peut en parler tout de suite, qui est très important. Et souvent, on pose cette question quand on enseigne l'épicurisme. Beaucoup d'étudiants oui. Posent cette question, ou les gens qui s'intéressent à cette doctrine. Comment ça marche, le tétrapharmacos? C'est-à-dire, il y a quatre propositions de savoir qui, pour les épicuriens, font qu'on va mieux. En somme, la douleur n'est pas si terrible, les dieux ne doivent pas être craints, la mort ne doit pas être crainte et le bonheur est accessible. Très bien, mettons qu'on étudie ces quatre points. Comment marche ce remède, sachant que notre pensée est faite de matière? Donc, on agit par un... C'est vraiment comme un traitement pharmaceutique. Oui, quoi. Alors, il y a le début... enfin, dans le paragraphe 124 de la lettre à Ménécée, il emploie cette formule « Habitue-toi à penser que le quadruple remède ne marche que sur le mode de l'accoutumance, de la... une certaine forme de répétition qui, je crois... Qui change la matière de oui, notre pensée. Oui, parce qu'elle agit sur ce qu'ils appellent les mouvements vitaux. D'accord. Le soi épicurien, qui est présent dans la formule... Oui, on va lire d'ailleurs ce texte. Le soi épicurien est en fait composé de mouvements vitaux qui sont unis par un sens de soi. Ce qui pose la question, René Coquepiette, dont nous avons déjà un peu parlé hier... Comment on peut agir, en fait, sur sa pensée? Ce sont des matérialistes. La pensée bouge, il y a des atomes et du vide, ça bouge. Comment se fait-il qu'on puisse donner une impulsion consciente à sa pensée? Comment ça marche, puisque ça, c'est forcément un mécanisme matériel? Oui, vous avez tout à fait raison, c'est un mécanisme matériel. Et vous avez parlé en particulier de cette liberté qui est produite par le clinomène. Hier, notre volonté. Le fait que les atomes déclinent un peu voilà. Du coup, ils peuvent se rencontrer. Et donc, il doit être possible de conformer en quelque sorte les atomes de notre âme de telle manière, les atomes de l'âme, l'âme étant matérielle, hein, mais de telle manière que à tout moment et de façon presque définitive, c'est des idées qu'on rencontre vraiment chez Épicure. Quand une fois on est arrivé à bien calibrer son âme sur, c'est-à-dire à reconfigurer l'ensemble des atomes de l'âme, oui, sur la doctrine qui vous enseigne que la mort n'est rien pour nous. Oui. C'est-à-dire que quand la mort est là, on n'est plus là. On n'est plus là. Et quand la mort est, et quand elle n'est pas encore là, Là, on est là. Oui. Et donc, ce que nous vivons, que nous mourions jeunes ou vieux, ce que nous vivons au moment où nous le vivons, nous pouvons le vivre dans le sentiment que nous avons atteint la pleine connaissance de ce qu'il est nécessaire de savoir pour constituer quelque chose qui ne se laisse pas entamer à aucun moment par des craintes vaines, en quelque sorte. Donc on va les rencontrer, ces craintes, mais on pourra toujours revenir à l'essentiel. Donc il y a quand même quelque chose, aujourd'hui on dirait peut-être du wishful thinking, en tout cas on peut vraiment imprimer à notre pensée une direction qui nous rende plus heureux. C'est tout possible, ça. Tout à fait. Alors, vous, on a parlé de la mort, c'est quand même un très gros sujet, hein, l'idée que nous n'avons rien à craindre d'elle. Même quand on le sait, vous venez quand même de le reconnaître, Alain Petit, au moment de mourir, c'est pas sûr qu'on soit si serein que cela, même quand on est un bon, sage épicurien. Je vous propose d'écouter ce texte célèbre de la lettre à Ménécée, le fameux paragraphe 125, Marcel Conche, notamment, à cette formule, enfin, la traduit de cette façon. Sot est celui qui dit craindre la mort, non pas parce qu'il souffrira lorsqu'elle sera, mais parce qu'il souffre de ce qu'elle doit arriver. Donc, une fois qu'on sait qu'on ne souffrira pas quand elle sera là, on serait sot de croire, de souffrir de ce qu'elle doit arriver. On serait sot. Alors, dans une autre traduction, nous avons sélectionné cet extrait en coupant un peu plus large. Écoutez. Prends l'habitude de penser que la mort n'est rien pour nous. Car tout bien et tout mal réside dans la sensation. Or, la mort est privation de toute sensibilité. Par conséquent, la connaissance de cette vérité que la mort n'est rien pour nous nous rend capables de jouir de cette vie mortelle. Non pas en y ajoutant la perspective d'une durée infinie, mais en nous enlevant le désir de l'immortalité. car il ne reste plus rien à redouter dans la vie pour qui a vraiment compris que hors de la vie, il n'y a rien de redoutable. On prononce donc de vaines paroles quand on soutient que la mort est à craindre. Non pas parce qu'elle sera douloureuse étant réalisée, mais parce qu'il est douloureux de l'attendre. Ce serait en effet une crainte vaine et sans objet que celle qui serait produite par l'attente d'une chose qui ne cause aucun trouble par sa présence. Ainsi, celui de tous les maux qui nous donne le plus d'horreur, la mort, n'est rien pour nous. Puisque, tant que nous existons nous-mêmes, la mort n'est pas. Et que quand la mort existe, nous ne sommes plus. Donc la mort n'existe ni pour les vivants, ni pour les morts, puisqu'elle n'a rien à faire avec les premiers et que les seconds ne sont plus. Mais la multitude tantôt fuit la mort comme le pire des maux, tantôt l'appelle comme le terme des maux de la vie. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann. C'était Épicure, une des lettres de lui qui nous reste, que nous avons trouvé. Épicure a vécu dans la deuxième moitié du IVe siècle avant Jésus-Christ et la première moitié du IIIe. Ce propos, vous me corrigerez, vous êtes les spécialistes, me donne l'impression du raisonnement suivant. La mort n'est pas douloureuse, comprenons-le. Alors, ne rendons pas notre vie douloureuse en l'attendant sans cesse, cette attente qui peut produire, dit de son côté Lucrèce, le disciple d'Épicure, une véritable haine de la vie, est une absurdité. Y a quand même beaucoup de gens qui pensent que la mort n'est rien, mais que l'attendre est horriblement douloureux, Alain Petit. Alors moi je trouve que c'est le point le plus étrange dans la démonstration, apparemment simple. Il me semble que ce n'est pas un coup de force de la part d'Épicure, mais enfin, c'est quand même mordre assez nettement le trait. On peut très bien se représenter philosophiquement la mort comme état de mort, comme le faisait déjà, par exemple, Socrate dans le Phédon. Être mort, c'est pas la même chose que devoir mourir ou être en train de mourir. Mais l'attendre, c'est se projeter. C'est-à-dire, et cela, ils le perçoivent très bien. Et l'apparente facilité du propos d'Épicure dissimule une grande difficulté. On se projette vivant dans l'état de mort. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas se représenter l'état de mort comme s'il était purement un état de mort. Lucrèce dit, tu te projettes dans le cadavre. Et donc, on a une espèce d'être ambigu, qui est une sorte de mort vivant. Et c'est cela que l'on redoute. C'est-à-dire qu'on, à force de s'angoisser à propos de quelque chose, même quand on sait que cette chose-là ne sera rien, on ne sentira plus rien à ce moment-là, on se gâche la vie. Et c'est un vrai sujet. Peut-être que les épicuriens ont senti, c'est ça que vous suggérez, que c'était pas si simple d'enlever cette angoisse-là. Non, ça n'est pas si simple parce que pouvons-nous nous représenter véritablement l'état de mort comme un pur néant. En plus, quand on voit le cadavre des autres, ce qu'ils disent, c'est absolument épouvantable. Ils savent très bien que nous, comme cadavres, nous ne sentirons plus rien, mais voir le cadavre des autres reste une image d'horreur, en fait. L'autre difficulté, effectivement, que vous soulevez, c'est que la mort que nous nous représentons n'est pas la seule nôtre. Oui. Se représenter la mort des autres, et en particulier, peut-être justement, vous en parliez à l'instant, celle de ses amis, c'est redouter encore plus la mort de ce qu'elle nous enlève, de ce qu'il appelle kalos tzen, hein, c'est-à-dire le bonheur, oui. le bien vivre. Donc c'est plus délicat quand on dit voilà, on a une grosse pharmacie avec 3-4 propositions, le pharmacos, la mort n'est rien pour nous, allez roulez quoi. Mais en fait c'est pas du les épicuriens savaient que c'était très difficile. Je pense que c'est un puissant volontarisme. D'accord. Voilà. Alors je voudrais vous demander René Coq-Pietre, c'est Corpierre, pardon, j'ai écorché votre nom. Si vous connaissiez Irvin Yalom. Irving Yalom, c'est un psychiatre, psychanalyste américain en Californie, très renommé, qui a fait beaucoup de thérapies, qui a aussi écrit des romans sur les philosophes. Et il pense que dans les thérapies, il faut utiliser les philosophes. Alors, pour le cas qui nous intéresse, parce que les philosophes, évidemment, traitent de questions existentielles, ils pensent qu'il faut mener des thérapies aussi de nature existentielle. Dans le cas qui nous intéresse, il a écrit un livre qui s'appelle « Le jardin d'Épicure », paru en 2008, traduit à la Librairie Générale Française un peu plus tard, en France. Et Yalom dit, il faut parler de la mort en thérapie. D'ailleurs, la psychanalyse, dit-il, s'intéresse trop peu à la question de la peur de la mort. Elle déplace souvent sur d'autres enjeux. Moi, je crois qu'il faut en parler. Et il dit la chose suivante dans ce livre. Parfois, j'explique à mes patients qu'il faut penser la mort comme l'état dans lequel nous étions avant de vivre. Nous ne nous en souvenons pas. Nous n'avons pas particulièrement souffert. Et au fond, ce qui aide, c'est de se dire qu'on va retrouver l'état dans lequel on était avant d'être vivant. Et il trouve que c'est assez efficace. Vous pensez que c'est assez épicurien, vous qui en êtes une spécialiste? Oui, c'est tout à fait efficace, là, je suis d'accord. Et sans doute, ça pourrait être épicurien, oui, tout à fait. Bon, il y a un moment où nous ne sommes pas, et il y a un autre moment où nous ne sommes plus. Pas encore, pas plus, plus, oui. Voilà. C'est... Alors, je vous propose qu'on l'écoute un peu plus sur la longueur, oui. Irving Yalom, parce que il y a eu un documentaire très beau sur lui, La thérapie du bonheur, réalisé par Sabine Giziger en 2014. Écoutez cet extrait. Death terror seems to defy our scientific views on things. La peur de la mort semble défier les points de vue scientifiques ou tout ce que nous pouvons en comprendre. Il me semble évident que la conscience est fonction de l'esprit et de l'activité de notre cerveau. Et quand le cerveau cesse de fonctionner, notre esprit cesse de fonctionner. It feels like a wonderful thing. Ce doit être une chose merveilleuse de penser à un paradis ou à une vie après la mort dans laquelle tous nos désirs seraient satisfaits à perpétuité. Pour moi, c'est un conte de fées. Ce n'est pas en le souhaitant qu'il en sera ainsi. En repensant à votre vie, quels regrets avez-vous sur la façon dont vous avez vécu jusqu'à présent? Si vous avez le sentiment d'avoir fait ce que vous vouliez faire dans la vie, je pense que l'idée de la mort vous vient beaucoup plus facilement. Je pense que l'idée de la mort vient beaucoup plus facilement pour vous. Il y a beaucoup de choses dans ces propos d'Irving Yalom, c'est pour ça que ça nous intéresse particulièrement. Bon, d'abord, il y a cette idée que se confronter à l'idée de la mort et comprendre qu'il ne s'y passera rien, ça veut dire en finir avec tout ce que Yalom appelle les contes de fées et ce qu'Épicure appelait les idées religieuses. Quelles étaient les idées religieuses à l'époque d'Épicure, René Coq, Pietre? Eh bien, on pensait qu'après la mort, on allait se retrouver dans une géographie que tout le monde connaît d'ailleurs un peu aujourd'hui. Hein. Bon, il faut franchir un fleuve. L'âme descend au bord de l'Achéron, c'est le fleuve qu'il va falloir franchir en apportant son obol à Charon. De l'autre côté, on va rencontrer le juge des enfers. Il va vous affecter à un espace ou à un autre dans les enfers. Mm-hmm. Ça, c'est l'enfer des polythéistes grecs. Voilà, d'ailleurs, c'est l'enfer tel qu'il était décrit, qu'il est décrit dans Virgile, par exemple, qu'il est décrit dans Ennius. Lucrèce, par exemple, ne connaissait pas encore Virgile, mais connaissait Ennius, qui était le premier poète épique, grand poète épique latin. Et tel que Homère le décrit, tel que beaucoup d'autres auteurs l'ont décrit dans l'Antiquité. Alors, après, il y a des... Platon aussi. Oui. Va donc les Grecs et les Latins avaient plusieurs images, et de l'enfer, des et du images, paradis. Des images précises, même. Il y a une géographie des enfers. Ils la connaissaient. Et, bon, depuis, vous savez que le christianisme a répandu toute une autre représentation des enfers, avec ces trois niveaux. Enfin, je vous invite à suivre Dante. Donc tout ça, il faut arrêter. Donc Il faut arrêter tout ça parce que c'est un préalable pour se confronter à l'idée de la mort. Absolument. On n'a pas besoin de tout ça. Mais Yalom dit autre chose encore. Oui. Il dit que pour réussir à se calmer, si j'ose dire, à propos de la mort, sans doute faut-il que notre vie ait été bien remplie. Et peut-être faut-il avoir bien vécu pour être capable de ne pas être terrifié à l'idée qu'on va mourir. Certainement. Est-ce que cette idée est épicurienne ? Cette idée n'est pas du tout contradictoire avec l'idée d'Épicure, mais, puisque l'idée d'Épicure, c'est que il faut avoir philosophie déjà, parce que bon, tout passe quand même par l'Épicure. Ouais. Pour Épicure, tout passe par sa propre doctrine, en quelque sorte, qu'il ne force personne à adopter, mais... qui transmet comme un élixir, hein, comme ce tétrapharmakos formé de ces quatre remèdes qui vont tous ensemble. Hein. Ça, ce qui me travaille un peu, c'est que j'ai l'impression qu'il y a l'homme raisonne dans le sens inverse. Il dit, c'est en travaillant à avoir une vie satisfaisante qu'on perdra la peur de la mort. Épicure et Lucrèce disent, c'est en perdant la peur de la mort qu'on aura une vie satisfaisante. Oui, Alain Petit. Oui, je pense que c'est un préalable absolu. Toute la vie serait troublée si la crainte de la mort persistait. On ne pourrait donc pas avoir une vie bien remplie. La vie ne se remplirait d'aucun bien. Oui. Puisque Lucrèce décrit la peur de la mort, vous disiez, comme le poison qui, en quelque sorte, trouble absolument toute la vie et qui même suscite le fait que la vie nous devienne odieuse. En quelque sorte, la peur de la mort anéantit toute possibilité de combler sa vie. Oui. Et alors que voilà, le thérapeute écrivain Irine Yalom dit « Commencez à travailler, à avoir une bonne vie, vous verrez, la peur de la mort va se dissiper. » C'est un peu l'inverse. Mais en vérité, peut-être que l'un ne va pas sans l'autre. Il faut à la fois... C'est en même temps qu'on travaille à sa bonne vie et qu'on travaille à perdre sa crainte de la mort. Puisque si le tétrapharmakos contient des parties solidaires, on s'accoutume... on fait peut-être diminuer la crainte de la mort en s'accoutumant, par exemple, à s'en tenir au plaisir absolument présent. Merci. Je crois que c'est vraiment la formule épicurienne. On retrouve l'enjeu du présent. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mulman. Je suis en compagnie de René Coq-Piètre et d'Alain Petit, spécialiste de l'épicurisme antique, dont nous parlons toute la semaine. Et aujourd'hui, nous réfléchissons à ce que les épicuriens appelaient des craintes vides, c'est-à-dire des pensées que nous avons qui portent sur des choses qui n'ont pas de réalité matérielle. Par exemple, la pensée de la mort, la pensée terrifiée de la mort, qui méconnaît ce qu'elle est vraiment. Alors, il y a une autre crainte vide, c'est la crainte de la douleur. Car pour les épicuriens, la réalité matérielle de la douleur, c'est que elle ne dure pas, parce que soit c'est un état de maladie et on finit par se restaurer dans sa santé, si j'ose dire, soit elle est très grave et on finit par mourir, et comme la mort n'est rien, la douleur sera arrêtée par quelque chose qui n'est rien, donc la douleur n'est pas à craindre. On touche peut-être là quand même à un point faible de l'épicurisme, parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent sans pouvoir se rétablir, sans pouvoir être bien soulagé de leur souffrance, et sans mourir, pour autant, René Coq-Piètre. Eh oui, il y a de très grandes souffrances dans le monde. Et tout ce qu'on peut dire à ce sujet-là, c'est que il y avait, face à la douleur, et dans l'Antiquité, une opposition entre l'attitude stoïcienne et l'attitude épicurienne. Expliquez-moi ça. Et l'attitude stoïcienne suppose que on se gendarme contre la douleur, qu'on essaye de surmonter les choses virilement, en quelque sorte, et s'il le faut, si vraiment on ne peut pas faire autrement, eh bien on a toujours le moyen de sortir, c'est-à-dire le suicide. Ça, c'était l'attitude stoïcienne. Et l'attitude épicurienne, c'est se dire que, justement, la douleur, elle est limitée. Jamais on ira au-delà d'un certain point de la douleur, puisque au-delà, c'est la mort. Ça ne nous concernera plus. Donc, même dans la douleur, eh bien, ben voilà, oui, on a mal. Donc, il y a quand même une acceptation, en quelque sorte, de la douleur, et même de... On s'autorise à geindre, on s'autorise à se plaindre, on s'autorise à dire que vraiment on a très mal, mais dans le même moment, et c'est là, il y a une lettre d'Épicure qui est assez fantastique, qu'on appelle la lettre des derniers jours, dont on ne sait pas d'ailleurs quel est exactement le destinataire, où Épicure dit, voilà, j'ai très très mal, j'ai ceci, j'ai cela, etc. Mais au milieu de ce malheur, au milieu de ces souffrances, il n'y a rien d'entamé. Il n'y a rien d'entamé. C'est-à-dire que je sais que ça ne durera pas. Dans mon souvenir et... du présent, enfin dans mon souvenir des amitiés, dans ma sécurité intérieure, ma sécurité intellectuelle en quelque sorte. Mm-hmm. Hein. Voilà. C'est peut-être la différence aussi entre ce qu'il appelle l'âme, disons rationnelle, animus, et l'âme. Et l'âme sensible qui est anima. Et peut-être ça aussi. Animus résiste en quelque sorte quand anima est répandue dans tous les membres, souffre et s'autorise à geindre. Alain Petit. Oui, je crois en effet que ce qui émerge, c'est l'idée que le... Il y a cette formule de Lucrèce qui est liée d'ailleurs à la déclinaison, en effet. L'esprit peut tourner sa pensée vers autre chose. Pendant qu'il a mal. Oui, tout à fait. Là, on rejoint les remarques qui viennent d'être faites sur Animus. Et puis, je pense aussi qu'il est très important de souligner ce propos qui m'a toujours, pour le coup, intéressé chez Épicure. Oui. À savoir que les souvenirs sont du présent. C'est un paradoxe. Donc là, pour le coup, ce souvenir fonctionne. Le souvenir, c'est du présent. Et dans la douleur, le souvenir des plaisirs constitue l'objet du détournement de la pensée. Mais vous savez, j'ai l'impression qu'à ce moment-là, l'épicurien n'est pas si différent du stoïque ou du stoïcien. Parce qu'en réalité, il se persuade qu'il peut tenir. C'est finalement, vous avez évoqué la différence, René Piotre, Coq-Piotre, mais en réalité, ça ressemble énormément au stoïcisme. Sur ce point, je veux dire dans son fonctionnement, qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, pour les anciens, c'était exactement l'opposé, puisque d'un côté, il y avait cette virilité, en quelque sorte, et puis de l'autre côté, se laisser aller, une apparente faiblesse, voilà, se laisser traverser par les douleurs, etc. Mais effectivement, il y a au fond cette sécurité, ce roc sur lequel l'épicurien est amarré et qui est la doctrine, en fait. La doctrine de l'atome et du vide. C'est elle qui m'aide à tenir dans l'épicurien. C'est elle qui aide à tenir en même temps que, effectivement, la mémoire, le souvenir des moments heureux. Alors, peut-être pas tellement les moments, le fait qu'on a bien mangé et qu'on a bien bu à un moment donné, ça c'était absolument indispensable, mais justement les moments véritablement heureux, entre amis, et c'est là que le véritable roc épicurien me semble être là, dans le souvenir, effectivement, de l'amitié. Alors, une nouvelle fois, les modernes prennent peut-être la question dans l'autre sens. Épicure et Lucrèce disaient que la peur de la mort, lorsqu'on l'a combattue par un juste savoir, permet aussi de ne pas craindre la douleur, parce qu'on sait que cette douleur, elle finira peut-être dans quelque chose que nous n'avons pas à craindre, qui est la mort. Eh bien, dans pas mal de représentations de la douleur chronique aujourd'hui, ce qu'on entend plutôt, c'est que c'est l'horreur de la douleur chronique qui permet de perdre la crainte de la mort. Et certaines personnes qui souffrent demandent la mort. Parce que précisément, et contrairement à ce que disaient les épicuriens, elle ne suit pas forcément la douleur aiguë. Écoutez cet extrait du film Mar Adentro de Alejandro Amenábar, un film de 2005. À la suite d'un accident dont il a été victime dans sa jeunesse, le personnage Ramon ne peut plus bouger que la tête. Il est enfermé dans son corps et dans cet extrait, eh bien, voyez ce qu'il demande. Ramon, pourquoi mourir ? Je vais mourir parce que pour moi, vivre dans cet état-là, c'est vivre sans dignité. C'est vrai que je comprends que d'autres tétraplégiques puissent se sentir offensés quand je dis qu'une telle vie est indigne. Mais moi, je ne juge personne. Qui suis-je pour juger ceux qui veulent vivre? Mais je demande que moi ne me juge pas. Ni moi, ni la personne qui m'aidera à mourir. Vous croyez que quelqu'un vous y aidera? Enfin, ça dépendra de ceux qui mènent la danse, non? S'ils parviennent à surmonter leur peur. Pourquoi faut-il? Pourquoi en faire toute une histoire? La mort a toujours existé, elle existera toujours, et tôt ou tard, elle finit par nous rattraper, tous. Elle fait partie de nous. Alors pourquoi s'offusquer quand je dis que je veux mourir? Hein? Comme si j'étais contagieux. Ce personnage ne craint plus la mort, mais c'est aussi parce qu'il a tellement mal et qu'il souffre de son état. Alain Petit, sur ce point, les épicuriens ont peut-être été un peu rapides. Il y a des douleurs qui ne mènent pas à la mort, et ce sont des douleurs qui donnent envie de mourir. Oui, je pense en effet qu'ils ont été un peu rapides, parce que peut-être... Il y a peut-être un biais dans l'épicurisme auquel on ne serait pas, je crois, tellement sensible quand on insiste sur leur sensualisme ou sur leur empirisme. Moi, je dirais plutôt que c'est un biais intellectualiste. J'ai toujours été frappé par le point de faiblesse pour moi dans l'épicurisme. C'est pas du tout son sensualisme effectif, son empirisme présumé. C'est le fait que le tétrapharmakos repose sur ce que j'appelais tout à l'heure un volontarisme, c'est-à-dire en fait un intellectualisme qui en quelque sorte fait confiance au pouvoir de la pensée. Oui. À condition qu'elle arrive à se resserrer. Oui. Comme sur ce que un stoïcien appellera l'acropole intérieure. Est-ce que ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il y a, mine de rien, dans les quatre propositions qui constituent le traitement pour le tétrapharmakos des épicuriens, les quatre propositions, la douleur n'est pas à craindre, les dieux ne sont pas à craindre, la mort n'est rien et le bonheur est accessible, il y a peut-être une vision un peu abstraite de ces quatre choses. Oui. En tout cas, les trois qui nous occupent aujourd'hui, les dieux, la mort et la douleur. Oui. Il y a une vision abstraite très paradoxale, parce que Épicure s'évertue à insister sur de même que Lucrèce d'ailleurs, sur le primat de l'intuition sensible, qui doit être une réception pour être sûr de sa pureté. Les craintes vaines sont l'irruption d'une pensée projective qui, en quelque sorte, vient contaminer cette notion pure. Mais en même temps, le quadruple remède, c'est un entraînement. Je crois qu'on peut prononcer le mot. Les Grecs disent c'est une ascésis, c'est-à-dire une ascèse. Il n'y a rien de plus ascétique que l'épicurisme. Et d'ailleurs, j'étais frappé tout à l'heure dans votre entretien à propos du stoïcisme et de l'épicurisme par le fait que, je veux dire, un philosophe habitué dès sa jeunesse à l'ascèse, à savoir Sénèque, citait de manière très libérale aussi bien Épicure que les stoïciens à l'intention de Lucilius. En lui disant, je vais te donner un autre exemple et je vais le prendre. Tu ne t'attends pas à ce que je le fasse, mais je vais le prendre. Même les stoïciens se sont inspirés des épicuriens, René Corpiètre. Oui, c'est le cas effectivement de Sénèque, c'est le cas de Marc Aurèle. Bon. C'est-à-dire que d'abord les épicuriens passaient leur temps à discuter et à contester et à polémiquer, notamment contre les stoïciens, au point que dans les textes qui nous restent, finalement, on se rend compte que le personnage le plus cité, c'est un stoïcien et c'est même pas Épicure. Mmh. Enfin voilà, enfin le plus. Donc, alors j'ai une question là, justement, oui. Puisqu'on parle de l'intellectualisation des enjeux pour les épicuriens, il faut quand même qu'on définisse cette notion de crainte vide. C'est très technique. Les craintes que nous avons sont des idées dans lesquelles il y a des atomes, hein, puisque notre pensée est faite d'atomes. Mais, et au passage, je ne suis pas sûre de tout à fait comprendre, c'est pour ça que je vous pose la question, ce qu'ils disent en tout cas, c'est que certaines de nos pensées rencontrent des vrais atomes matériels extérieurs à nous, et puis certains, puisque le monde est constitué d'atomes et de vide, quand on regarde bien, vont vers du vide. Mais en fait, ces pensées, elles sont en nous. Elles ne touchent rien. Comment vous dire ? Ce sont nos atomes de pensée. J'ai du mal. Qu'est-ce que ça veut dire ? Une pensée qui touche du vide. Qu'est-ce que ça veut dire ? Une crainte qui touche du vide. Les craintes vides sont les craintes qui ne nous concernent pas. Par exemple, bon, vous craignez les enfers. Bon, bah, en fait, ça n'existe pas. C'est des imaginations. Ça ne nous concerne donc en réalité pas. Vous craignez pour le souvenir que vous allez les laisser après votre mort. Donc vous allez par exemple créer un énorme monument pérenniser en quelque sorte votre mémoire. Oui. C'est complètement idiot puisque de toute façon vous-même vous n'y serez plus et ça n'aura aucun effet pour vous. Donc il y a. C'est vide au présent en fait. C'est toujours pareil. C'est histoire vide du présent. Au présent ouais. Et c'est vrai pour vous. Oui. Il y a quelque chose bon qui a été évoqué tout à l'heure. Bon quand on parle. Par Alain Petit. Voilà. Oui. Par Alain Petit. C'est-à-dire que. Quand les épicuriens pensent à la souffrance, ils pensent à leur souffrance propre, à leur mort propre, etc. Et ça ne veut pas dire qu'ils nient la souffrance, ça ne veut pas dire qu'ils nient la souffrance des autres, mais ça veut dire que à partir du moment où on s'en fait une montagne et on se gâche la vie pour ça, c'est alors que ça ne va absolument pas contribuer à vous donner une vie correcte. Enfin bon, justement, ça vous empêche d'avoir une vie correcte et de vivre dans la sérénité, dans ce qu'ils appellent l'absence de trouble, l'ataraxie, hein, oui. Absence de trouble. Ça n'a aucun sens. Ça n'a pas de sens. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est effectivement cet intellectualisme. Mais cet intellectualisme. Ça ne se comprend comme tel que comme que s'il y a cette ascèse, c'est-à-dire cet exercice quotidien. La lettre à Ménécée commence par ça. Que nul ne tarde à philosopher. Et on peut commencer à n'importe quel moment de la vie, mais autant commencer très très jeune. Et philosopher, c'est philosopher toujours ensemble. Hein. On co-philosophe. Oui, on co-philosophe et on s'habitue tous ensemble à penser de certaines façons. On s'habitue tous ensemble à réfléchir sans aucune. Alors, la notion de libre, de franchise, hein, de parole libre, c'est très important aussi. Hein. Il faut qu'on puisse, dès qu'on a un doute, il faut qu'on le dise. Oui. Il faut qu'on développe le doute. Il faut qu'on voit de plus près qu'est-ce qui se passe. Oui, effectivement. Pourquoi je n'y arrive pas les à objections comme vous faites là. Oh, oui. Nous avons une discussion épicurienne là. Merci. Là. Je prends ça comme un hommage à nos efforts. Voilà. Et donc, et au bout du compte, on finit par être d'accord. Oui, Épicure, il a raison là-dessus. Ou plus exactement, peut-être qu'il y a plusieurs, il l'a admis, il y a plusieurs possibilités de réponses, et toutes ces réponses, bon, c'est pas la peine de chercher davantage à savoir laquelle est exactement la bonne, toutes correspondent à peu près à notre expérience, etc. Donc, il y a cet exercice, voilà, cet exercice intellectuel constant, mais qui est ensemble. Oui, il y a cette dimension collective. Voilà. Parce qu'on dit toujours, les épicuriens, on est tout seul, il n'y a pas de dimension politique. C'est un peu rapide. Il y a du collectif. Chacun quand parle même. De ouais. soi, en ouais. quelque sorte, mais à l'intérieur, effectivement. Du jardin, de ce groupe épicurien. Alors, ouais. avec toutes les relations plus précises, chaque élève a un maître auquel il se réfère plus précisément. Donc, il y a vraiment toute une organisation aussi. attache-toi à, prends l'habitude de, exerce-toi, ce sont des formules récurrentes d'Épicure, et bien précisément pour essayer de comprendre que, pour faire comprendre que les dieux ne nous font pas de mal, que nous n'avons rien à craindre d'eux, que la peur des dieux est encore une crainte vide et vaine, Épicure emploie cette formule. Voici le fameux extrait consacré à la crainte des dieux dans la lettre à Ménécée. Attache-toi donc aux enseignements que je n'ai cessé de te donner et que je vais te répéter. Mets-les en pratique et médite-les, convaincu que ce sont là les principes nécessaires pour bien vivre. Commence par te persuader qu'un Dieu est un vivant immortel et bienheureux, te conformant en cela à la notion commune qui en est tracée en nous. N'attribue jamais à un Dieu rien qui soit en opposition avec l'immortalité, ni en désaccord avec la béatitude, mais regarde-le toujours comme possédant tout ce que tu trouveras capable d'assurer son immortalité et sa béatitude. Car les dieux existent, attendu que la connaissance qu'on en a est évidente. Mais quant à leur nature, ils ne sont pas tels que la foule le croit. Et l'impie n'est pas celui qui rejette les dieux de la foule. C'est celui qui attribue aux dieux ce que leur prêtent les opinions de la foule. Car les affirmations de la foule sur les dieux ne sont pas des prénotions, mais bien des présomptions fausses. Et ces présomptions fausses font que les dieux sont censés être pour les méchants la source des plus grands maux, comme d'autre part, pour les bons, la source des plus grands biens. Mais la multitude, incapable de se déprendre de ce qui est chez elle et à ses yeux le propre de la vertu, n'accepte que des dieux conformes à cet idéal et regarde comme absurde tout ce qui s'en écarte. Alain Petit, je vais peut-être vous poser une question naïve, mais comment Épicure sait-il, lui, qu'il y a des dieux ou qu'il n'y en a pas ? Enfin, là, et comment sait-il ce qu'ils sont ? Ils sont très loin, ils ne peuvent pas nous faire de mal. Mais comment il sait tout ça, lui, Épicure ? Ils sont très loin, mais il y a des messages, entre guillemets, qui nous proviennent ou nous proviendraient d'eux, de leur de leurs lointains intermondes, espace subtil dans lequel ils se trouvent, il y a donc des simulacres des dieux. Donc en fait, nos idées de dieux signifient, sont des signes, pour parler comme les épicuriens, que quelque chose de cette sorte existe, des dieux. Mais comment est-il si sûr qu'ils ne sont pas conformes à ce que la multitude ou la foule, selon les traductions, dit d'eux, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas là à juger nos vies, à nous sanctionner, à agir sur nous, à nous donner des injonctions. Comment il sait cela, Épicure ? Dire qu'il le sait, c'est peut-être beaucoup dire. Ah. Je pense que j'ai le sentiment qu'il a essayé d'isoler une notion du Dieu qui serait minimale et qui serait conforme à la perfection. Ce qui a fait dire à certains historiens qu'en fait, Épicure est le plus remarquable philosophe du polythéisme qu'il assume. Et c'est peut-être de très nombreux philosophes, si vous voulez, de cette époque classique, celle de Platon ou hellénistique, celle de la sienne, celui qui, d'une certaine manière, accorde je vais employer un mot un peu gênant pour un épicurien, accorde la plus grande foi à l'existence des multiples dieux, dont on ne peut d'ailleurs pas fixer le nombre, mais aussi à leur caractère, à leur figure humaine. Bon, oui. Alors, ce sont des modèles, en fait. Ce sont des idéaux pour nous. Ils sont très loin, dans un espace où ils bougent, les atomes bougent peu, donc ils sont plutôt au repos. Ils sont ce que nous devons essayer d'être. Oui, c'est ça ? ils sont la perfection dans la sécurité. Le bonheur étant lié à la sécurité. Oui. Ils se meuvent de telle sorte qu'ils puissent toujours se protéger des atomes errants dans l'univers. Et leur activité, parce qu'on rejoint votre propos tout à l'heure, c'est leur activité qui compte. En fait, ils font de la philosophie en commun. Et c'est à ce titre qu'ils sont des modèles. Ils sont épicuriens, en fait. Oui. C'est ça qui fait qu'ils sont parfaits. Qu'ils sont parfaits, géniaux. Les dieux d'Épicure sont épicuriens, à ce titre. Ils peuvent limiter leur vie. Et ils peuvent, on rejoint une autre maxime, ils peuvent cacher leur vie. Et pour vous, c'est encore un intellectualisme de plus ? Ah, c'est un remarquable intellectualisme. Oui. Je pense que il n'y a pas d'intellectualisme plus grand que celui d'Épicure en matière de théologie, si ce n'est celui d'Aristote. Et les deux, vous avez une thèse très forte, là, j'adore. Les deux grands rivaux, là, vous citez. Et Épicure est très proche, assez souvent très proche d'Aristote. On leur a d'ailleurs fait parfois la même objection, ou la même, peut-être oui. ma foi, la même accusation, hein, s'agissant d'Aristote, qui a eu chaud, parce qu'il a dû quitter Athènes. Il nie la Providence tous les deux. Aristote et Épicure. Donc ils sont athées au mauvais sens du mot, si vous voulez, c'est-à-dire ils ne nient pas l'existence des dieux, donc on a tort de les traiter d'athées, mais ils sont un genre bien plus bien plus pernicieux d'athées, parce qu'ils nient la providence, c'est être athée. René Coq-Piètre, qu'est-ce que vous pensez de cette théologie des épicuriens ? Eh bien, elle vient d'être si bien décrite, là. Je crois que c'est effectivement une théologie complètement intellectuelle. Et bon, ce que le vivant immortel est bien heureux, bon, c'est une expression que tous les petits Grecs ont apprise chez Homère. Et donc, le vivant éternel est bien heureux, enfin... Athanatoi Theoi Aei Eontes, c'était les dieux immortels qui sont toujours. Vous voulez dire que c'est pas du tout original pour un grec? C'est pas du tout original. D'accord. On a cette expression partout dans Homère. Et donc, tous les petits grecs connaissent cette expression. Et, c'est la seule, Makarioi Theoi Aei Eontes, hein, les dieux bienheureux qui sont toujours. Donc, c'est la seule expression, enfin, cette expression a, en elle-même suffit à décrire en quelque sorte les deux composés, en quelque sorte, ou les deux propriétés particulières des dieux, ils sont makarioi, c'est-à-dire ils sont bienheureux. Et ils ont tout ce qu'il leur faut. Pourtant, franchement, il y a des grandes colères de Zeus. Alors enfin, ça, non. Non, mais ça n'existe plus. Ça n'existe pas. Alors, il faut laisser de côté tous les mythes. La mythologie, voilà. D'accord. Les mythes, on laisse de côté. D'accord. Mais cette expression-là, elle est bonne, en quelque sorte, et elle suffit. D'accord. Et elle suffit. Donc, à partir de là, on installe ça dans la théorie atomique. Et dans la théorie atomique, et on est toujours dans cet intellectualisme, effectivement, dans la théorie atomique, on a des atomes extrêmement fins. Il faut les imaginer comme ceux de notre animus, très très fins, très mobiles en fait. Oui. Pas stables, mais très mobiles. Et donc, passant leur temps à toujours se réajuster correctement et à toujours et à ne s'alimenter en quelque sorte que de la discussion qu'on a entre oui. soi, donc entre Dieu. Donc vous dites la même chose. Voilà. Ce sont des magnifiques épicuriens. Voilà. Ce sont, c'est le modèle des épicuriens. D'accord. Merci beaucoup. Voilà. Ce sera notre mot de la fin. Mais nous avons une musique normalement assez appropriée. Nobody can live forever, and everybody is the same. There we go. How we doing, man? What's happening? All right. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Sooner or later, you're going to understand that. There we go. Nobody can live forever. Nobody will know how I feel. Nobody can give the answers. Nobody can play but for real. Nobody can live forever. Nobody will know how I feel. Nobody can give the answer. nobody can play but for real. There's no God, there's no heaven. There's no devil, there's no hell. There's no God, there's no heaven, yeah. There's no devil, there's no hell. Nobody can live forever. C'est une chanson de Tim Maia, sortie en 1976. Tout est dit, c'est peut-être une chanson vraiment très épicurienne. Merci à tous les deux, Alain Petit et René Corpiètre, pour vos éclairages d'aujourd'hui sur la philosophie épicurienne. Les références de vos travaux figurent sur le site d'Avec Philosophie. À présent, il est temps de retrouver Frédéric Worms. Cette semaine, il nous parle de la diversité et il se demande aujourd'hui comment la diversité devient une valeur. Voici le pourquoi du comment. Comment la diversité devient-elle une valeur? On entend sur la notion de diversité des déclarations et parfois des revendications qui sont tout à fait différentes et même contradictoires. D'un côté, il semble qu'il y a toujours plus de diversité. Nous sommes tous différents, nous sommes tous singuliers, et c'est en effet sous certains aspects le cas. Et d'un autre côté, nous constatons parfois un certain manque de diversité, de telle sorte que dans le débat éthique, social et politique, l'idée de faire de la place à la diversité, d'ouvrir des espaces pour la diversité, pour les diversités, devient un problème, une revendication politique majeure. La diversité semble aussi difficile à ménager dans un espace social et politique commun. Comment se fait-il que les êtres humains se différencient, que les gens soient tous différents, que nous ressentions cette différence, et pourtant que nous ayons un problème social, moral et politique avec la notion de diversité? C'est que, justement, il faut peut-être distinguer deux sens et deux aspects de la diversité. D'un côté, il y a le fait de la diversité. De la diversité peut-être radicale selon certains philosophes, mais en tout cas incontestable parmi les humains, comme d'ailleurs parmi les êtres vivants. Les espèces se diversifient, se différencient, et dans certaines espèces, pas dans toutes ou pas dans toutes au même degré, les individus se différencient, la biologie le montre. Les êtres humains, par exemple, sont des individus qui se différencient selon leur milieu, leur environnement, les relations avec les autres individus qui les accompagnent, leurs parents, leurs amis, le monde social, et ce sont des diversifications individuelles. Mais d'un autre côté, il y a évidemment un aspect collectif de la diversité. Nous nous différencions aussi par certains aspects de groupe, par certains partages sociaux qui peuvent accompagner, soutenir la différenciation individuelle ou au contraire la limiter pour des raisons aussi politiques, parfois l'empêcher. Et le manque de diversité collective brime parfois la diversification individuelle qui est pourtant une caractéristique de la vie. C'est pourquoi la diversité dans le sens politique est une question d'égalité minimale entre des groupes différents et non pas de revendication radicale entre des individus qui se différencient, on allait dire, tout seuls, qui n'ont pas forcément besoin de la politique pour devenir eux-mêmes, qui ont juste besoin de la politique pour que les relations entre les groupes ne bloquent pas leur diversification individuelle. Du côté politique, donc, la revendication de la diversité, c'est la revendication minimale que les différences sociales ne deviennent pas des blocages, ou pour le dire clairement, des injustices. Quand on revendique plus de diversité, c'est sans doute parce que il y a des critères sociaux, des critères de groupe, par exemple, dans certaines sociétés qui ont été ou sont racistes, des critères raciaux, des critères qui font qu'un certain type de diversité devient un trait collectif et social injuste qui bloque les différenciations et les relations individuelles. Comment la diversité devient-elle donc une valeur? Devient-elle une norme et peut-être une règle éthique et politique? Ce n'est pas par le fait de la diversité, c'est plus par la règle qui fait qu'on doit limiter les effets négatifs de certains aspects de la différenciation sociale. C'est plus limiter des injustices que revendiquer une différence qui, de toute façon, heureusement, se réalisera entre nous dans la vie. Merci Frédéric Worms. On peut retrouver votre chronique, comme toutes nos émissions, en podcast sur le site de Radio France dans les programmes de France Culture. Cette émission a été réalisée par Yad Kera avec à la technique Grégory Wallon. Elle a été préparée avec Marine Boudalier en particulier, puis toute l'équipe d'Avec Philosophie, Anna Folpin, Chaïma Giboire, Carla Michel et Antoine Ravon. Vous êtes bien sur France Culture, vive la curiosité!